الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أو جان يقول الله عز وجل في كتابه الكريم الله سبحانه وتعالى dit dans son noble livre وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون سيخت Nous avons suscité dans chaque cité de grands criminels afin qu'ils y complotent. Et certes, leur complot ne retombera que sur eux-mêmes, bien qu'ils ne s'en rendent pas compte. فَقَدْ أَخْبَرَنَا رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أنه جعل في كل قرية وكل بلدة وكل مدينة الرؤساء الذين كبر جرمهم واشتد طغيانهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé dans ce noble verset, qu'il a placé dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque contrée, des chefs dont la turpitude et l'oppression est grandissant et ne cesse de prendre de l'ampleur. لِيَمْكُرُوا فِيهَا Et ceci afin qu'ils complotent. بِالْخَدِيعَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى سَبِيلِ الشَّيْطَانِ وَمُحَارَبَةِ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ Et leur complot qu'ils forgent, ont pour but d'appeler à suivre la voie du diable et de s'opposer à l'appel des messagers d'Allah Azzawajal et de ceux qui les suivent, que ce soit par la parole ou par les actes. Wa akhbarana jalla jalaluh anna makrahum wa kaydahum ya'udu ala anfusihim. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que leurs ruses et leurs manigances ne retomberont que sur eux-mêmes. وَالْمُجْرِمُونَ أَصْنَافٌ شَتَّى Et les criminels et les délinquants sont de plusieurs sortes. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتُلُ الْأَنْفُسُ بِغَيْرِ حَقٍ Parmi eux, il y a celui qui tue les êtres humains sans le moindre droit. ومنهم من يرتكب الفواحش كالزنا وغير ذلك. Et parmi eux, il y a celui qui commet des turpitudes, comme la fornication ou le viol ou autre. ومنهم من يأكل المال الحرام من السرقة أو من بيع المخدرات أو غير ذلك. Et parmi eux, il y a celui qui consomment et qui profitent de l'argent illicite, celles issues du vol ou de la vente de drogue. ومنهم من يغني ويدعو الناس إلى سبيل الشيطان. Et parmi eux, il y a celui qui chante et qui appelle les gens à suivre le chemin du diable. ومنهم من يفعل ذلك كله. كله. Et parmi eux, il y a celui qui commet tous ces actes en même temps. فينطبق عليهم كلهم. كلهم اسم الجريمة. Et le mot criminel ou délinquant s'applique à tout un chacun parmi les catégories que je viens de citer. وقد وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم المجرمين بالهلاك والدمار إن ماتوا على إجرامهم. Et certes Allah سبحانه وتعالى a promis aux criminels et aux délinquants la destruction ainsi que leur anéantissement s'ils viennent à mourir dans cette transgression, dans leur transgression. قال الله سبحانه وتعالى, Allah a dit سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Et touchera ceux qui ont commis des crimes et touchera les criminels un rabaissement et une humiliation de la part d'Allah Azza wa Jal, ainsi qu'un châtiment douloureux en fonction de ce qu'il complotait. Wa qala Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wa law tara idh adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut wal mala'ikatu basitu aydihim. Si tu voyais la situation des gens injustes lorsqu'ils se trouvent dans les affres de la mort et que les anges étendent leurs mains vers eux en disant Akhrijou anfusakum al-yawma tujzauna 'adab al-hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghayra al-haq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Les gens, ce qu'ils leur diront à ces hommes qu'ils étaient injustes, ils leur diront faites sortir vos âmes car aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment ou par la récompense humiliante. Et ceci à cause de ce que vous forgiez contre Allah comme parole et à cause de votre orgueil dont vous faisiez preuve lorsque ces versets vous étaient récités. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wa law tara idh al-mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Et lorsque tu verras, c'est-à-dire dans l'au-delà, les criminels et les délinquants, la tête baissée face à leur Seigneur. Rabbana, absarna, wa sami'na, farji'na na'mal saliha, inna muqinun. Oh Seigneur, c'est-à-dire ils diront, ces criminels et délinquants, ils diront dans l'au-delà, oh Seigneur, nous avons certes vu et nous avons certes entendu, ramène-nous à la vie d'ici-bas, afin que nous œuvrions dans le bien. Car certes, maintenant, nous avons la certitude. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, Inna al-mujrimina fi dalalin wa su'ur, yuhsabuna fi an-nari ala wujuhim, dhuqu, massa saqar. Et certes, les criminels et les délinquants sont dans un égarement et iront vers la fournaise. Ils seront traînés sur leur visage pour être jetés dans le feu de l'enfer. Et on leur dira alors, goûtez la caresse de la fournaise. Goûtez la caresse de la fournaise. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, wa yawma yunfakhu fi sur, le jour où on soufflera dans la trompe, wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa, et nous ressusciterons les criminels et les délinquants. Alors ils auront une peau bleue. Alors ils auront une peau bleue. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. Et ils discuteront alors, ces criminels, le jour de la résurrection, ils discuteront entre eux à voix basse en disant, en s'étonnant au sujet du fait qu'ils pensent qu'ils ne sont restés dans ce bas monde qu'une dizaine de jours. Hey, إذا نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهم كل على حسب حاله. C'est-à-dire lorsque on soufflera dans la trompe et que les gens sortiront de leur tombe, alors là ce sera du cas par cas. فالمتقون يحشرون يوم القيامة إلى الرحمن وفدا. Ceux qui ont craint Allah Azza wa Jal et qui ont fait preuve de piété, ils seront ressuscités le jour de la résurrection vers leur Seigneur en groupe. والمجرمون يحشرون يوم القيامة زرقا. Tandis que les criminels et les délinquants seront ressuscités ce jour-là en ayant une couleur bleue. زرق ألوانهم من الخوف والقلق والعطش والإهانة والذل. Et ils auront une couleur bleue à cause de l'énorme peur qui les saisira ce jour-là. Et aussi à cause de la soif et de l'humiliation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre sur eux. فنعم الإجرام لا ينفع أحد. La criminalité ne sera utile pour aucune personne. فَيَّاكُمْ وَيَّاكُمْ مِنْ اتِّبَاعِ الْإِجْرَامِ فَإِنَّهُ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ. Donc prenez garde sur le fait de suivre le chemin des criminels et des délinquants, car ce n'est autre que le chemin du diable. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ. Certes, le diable vous fait craindre la pauvreté. Le diable vous fait craindre la pauvreté. C'est-à-dire, il vous fait craindre la pauvreté en vous faisant croire que si vous adorez Allah Azza wa Jal et si vous lui obéissez, si vous lui obéissez et vous détournez de son, de ce qu'il a interdit, alors vous serez touché de pauvreté. Wa ya'murukum bil fahsha. Et il vous ordonne la turpitude. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous promet un pardon et un bienfait de sa part. Et certes, Allah est l'omniscient et l'immense. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa man yakuni ash-shaytanu lahu qarina fasa'u qarina." Et celui qui a pris le diable comme compagnie, quelle bien mauvaise compagnie. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: "Inna wa'da Allahi haqq." فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Certes, la promesse d'Allah est vérité, alors que ne vous trompe pas la vie d'ici-bas, et que ne vous trompe pas le diable, que le diable ne vous trompe pas au sujet d'Allah Azza wa Jal. فَتَرْبِيَةُ الشَّارِعْ لَا تَنْفَعْ لِأَحَدْ. L'éducation de la rue, elle n'est utile pour aucune personne. فَإِنَّهَا مَبْنِيَةٌ عَلَى معصيه الله من الشرك والكفر وعقوق الوالدين والكبر والرياء والطغيان وغير ذلك. Car elle est basée essentiellement sur la désobéissance d'Allah. Elle appelle à l'association, à la mécréance, à la désobéissance des parents, à l'orgueil, à l'ostentation et autres. وهذه التربية لا يخرج منها رجال. Et cette éducation, c'est-à-dire l'éducation de la rue, elle ne profite à personne. Et elle ne fait sortir de ses rangs, elle ne fait pas sortir de ses rangs des hommes qu'on appelle véritablement des hommes. Bel, tukhriju asqat an-nas wa ashqahum. Mais au contraire, cette éducation ne fait que de produire les plus vils des personnes, les plus vilains des personnages. Wa innama hiya at-tarbiyah ad-diniyah al-islamiyah. Et ce n'est autre que l'éducation islamique, l'éducation religieuse qui fait sortir des hommes qu'on en appelle réellement des hommes. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Et parmi les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi les croyants il y a des hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot homme ici pour faire l'éloge. Pour faire l'éloge de ses croyants. وقال الله سبحانه وتعالى لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, et la mosquée qui a été construite depuis son premier jour sur la crainte d'Allah, Azza wa Jal, est plus en droit que tu y entres, c'est-à-dire, ô toi le prophète, est plus en droit que tu y entres, car certes, en son sein se trouvent des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalik, il y fait l'éloge de ses croyants. Fihi rijalun, des hommes qui aiment se purifier, c'est-à-dire se purifier des grands péchés, des petits péchés, de se purifier de toute souillure ou autre. Naam. Fa hadhihi ma'a anna al-mujrimun halatuhum sayyi'ah. Et donc les criminels et les délinquants, leur situation est mauvaise. Hatta fi ma bainahum. Même entre eux. Yakhunu ba'dhuhum ba'dhan. Ils se trahissent entre eux. Fi amwalihim wa nisa'ihim wa auladihim. Ils se trahissent entre eux en ce qui concerne leurs biens, leur argent ou autre. En ce qui concerne leurs femmes, en ce qui concerne leurs enfants. Wa sadaqatuhum maddiyah. Et leur amitié est basée sur un intérêt de ce bas monde. Wa sur'an ma tazul wa sur'an ma tantazi' min al-qulub 'inda adna gharadin dunyawi. Et très rapidement cette amitié disparaît pour un quelconque bienfait de ce bas monde. Wa kayfa la wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment n'en serait-il pas ainsi alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit tahsubuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Tu les vois regroupés, tu les penses en groupe ou ensemble alors que leurs cœurs sont divisés. Fa iyyakum ya ma'shar al-muslimin min ittiba'i sabil al-mujrimin alladhi huwa ittiba'u ash-shaytan sabil ash-shaytan haqqan. Donc faites preuve d'une grande attention sur le fait de ne pas suivre le chemin du diable, le chemin des criminels et des délinquants, car ceci est véritablement le chemin du diable. Wa qala Allah azza wa jalla ya ayyuha an-nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ô gens, mangez des bonnes choses et des bonnes nourritures licites qui se trouvent sur terre, mais ne suivez pas les pas du diable, car certes, il est pour vous un ennemi déclaré. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Car certes, il ne vous ordonne que le mal ainsi que la perversion, et il vous ordonne aussi de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Wa qad qala Allah 'azza wa jalla, et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Et c'est ainsi que nous éclaircissons les versets afin que devienne claire pour tout un chacun la voie des criminels. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد فقد ظهرت قبل سنين عديدة مقالة خطيرة لأحد المغنيين. Et il est apparu il y a quelques années une parole qui s'est propagée énormément. La parole d'un chanteur bien connu. Hadan Allah wa iyyah. Qu'Allah nous guide et le guide. Fa innahu qad qala la shay' aw la yanfa'u shay'an illa al-jarima. La yanfa'u shay'un illa al-jarima. Et donc ce chanteur a dit, seul le crime paie. Ce chanteur a dit, seul le crime paie. Fa'atba'ahu ala dhalika shababun kuthur. Fa'ba'duhum bisam'ihim faqat. Wa ba'duhum bisam'i wal'amal ma'an. Donc certains jeunes, ou bon nombre de jeunes, l'ont suivi dans cette opinion. Soit par l'écoute, Certains par l'écoute seulement, d'autres par l'écoute et la mise en pratique. Fadallu wa adallu ghayrahum. Et ces jeunes-là se sont ainsi égarés et ont égaré d'autres générations. Wa hunaka amrun yajibu at-tafattun lah, at-tafattun lah. Et il y a un point qui est important de soulever. Bighadd an-nazar an tahrimi al-aghani, fa inna hadha amrun qad furiga minhu. Et là, on ne va pas rentrer dans le sujet de la musique est interdite ou pas. فَهُنَاكَ نَوْعٌ مِنَ الْأَغَانِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَوَامُهُمْ وَخَوَاسُهُمْ كِبَارُهُمْ وَصِغَارُهُمْ عَلَى تَحْرِيمِهِ. Il y a une catégorie, un genre de musique où il n'y a aucune divergence entre les musulmans, que ce soit les savants ou autres, les grands comme les petits. Il n'y a aucune divergence sur le fait que cette musique est interdite. Naam. Wa an-naw' al-madhkur alladhi tusamma et le ce bal hatta al-kuffar bal hatta al-kuffar يمنعونه لمن عمره دون 18 سنة. Et même les mécréants, ils interdisent l'écoute de cette musique pour celui qui a moins de 18 ans. Et la musique auquel je fais allusion n'est autre que le rap. ففيه محاذير عظمى. Il y a dans ce genre de musique énormément d'effets néfastes. فيه تحليل ما حرم الله. Il y a le fait d'appeler ou de légiférer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. وهذه لحالها كفر وردة. Et juste ce point à lui tout seul constitue une forme de mécréance et d'apostasie. وفيه الاستهزاء بالله أو بدين الله وبجزائه وعذابه. Il y a dans ce genre de musique une forme de moquerie envers la religion d'Allah Azza wa Jal, envers sa récompense qui n'est autre que le paradis et envers son châtiment qui n'est autre que l'enfer. وَهَذِهِ لِحَالِهَا كُفْرٌ وَرِدَّةٌ. Et cette chose en elle-même constitue de la mécréance et de l'apostasie. وَفِيهِ الدَّعْوَةِ إِلَى الذَّهَبِ إِلَى السَّحَرَةِ. Et aussi il y a en ce genre de musique un appel pour aller voir les sorciers et les marabouts. وَهَذَا لِحَالِهَا كُفْرٌ وَرِدَّةٌ. Et ce point-là, à lui tout seul, constitue de la mécréance et de l'apostasie. وَفِيهِ الرِّضَى بِالْكُفْرِ. Et aussi, il y a dans cette musique un agrément, une forme d'agrément pour la mécréance. Et ceci, en soi, est un acte qui fait sortir de l'islam. نعم. فمن يسمع مثل هذا النوع ويرضى بما فيه من الشرك والكفر والضلالات والخرافات قد يخرج من الإسلام شعر ذلك أم لم يشعر حتى وإن صلى وصام. Et donc celui qui écoute ce genre de musique et qui agrée ce qu'elle contient comme mécréance ou comme égarement, il se peut qu'il sorte de l'islam sans même qu'il s'en rende compte. Même s'il prie et il jeûne. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ مِنْ هَذَا الْمَحْذُورِ. Donc faites attention, ô ma'ashara al-muslimin. Faites attention, ceci est un grand danger pour cette communauté et surtout pour les jeunes de cette communauté. فَنَسَأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُصْلِحَ شَبَابَ الْمُسْلِمِينَ. Et on demande à Allah عَزَّ وَجَلَّ qu'il améliore les jeunes muslimines. وَأَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَيْهِ رَدًّا جَمِيلًا. Et qu'il les ramène vers lui d'un bon retour. وَأَنْ يُجَنِّبَهُمْ قُرَنَا أَسُّوْ. Et qu'il les éloigne de la mauvaise fréquentation. وَأَنْ يُجَنِّبَهُمْ قُرَنَا أَسُّوْ. وَأَنْ يُجَنِّبَهُمْ قُرَنَا أَسُّوْ. Et qu'il les éloigne de la mauvaise fréquentation. وَأَنْ يُجَنِّبَهُمْ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ. Et qu'il les éloigne de la tentation et des turpitudes apparentes ou cachées. فَإِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.